Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, bonjour. Quoi de neuf en ce dimanche matin? Les étoiles filantes sont à notre porte dès hier soir. Après 450 ans de sommeil, le volcan se réveille en Russie. Le café le plus cher au monde, c'est au Royaume-Uni. Anniversaire People aujourd'hui, Christophe Willem. Demain, Isabelle Depardieu. Mardi, Marc Lavoine. Mercredi, Alain Robert. Jeudi, Francis Lalanne. Vendredi, Maggie. Samedi, Zorro. Et dimanche prochain, Superman. Vous êtes peut-être les heureux gagnants du numéro 1, 6, 7, 10, 27, 35 et 34. Pour le Joker Plus 912 057, signe Taureau. On est dimanche 3 août, nous fêtons l'heure Saint-Lady. La journée du pastèque. Du jour, ce que le mois d'août ne mûrira pas, eh bien cet homme ne le fera pas. Citation du jour, plus que je rencontre des gens, plus que j'aime mon chien. Et oui, nous commençons déjà un nouveau mois, c'est le mois d'août 2025 sur les antennes de Radio Chevaucheur et voici la couleur de votre pierre que vous devez porter en ce mois d'août. Et nous, au mois d'août, c'est le Périgord. Péridore de couleur verte mousse est le symbole de la force intérieure. Anciennement, les Égyptiens croyaient que cette pierre avait le pouvoir de repousser les mauvais esprits. Vert, j'espère. On dit aussi qu'elle favorise la prospérité et l'abondance. Vous préférez les fleurs? Eh bien, les fleurs du mois d'août, c'est le coquelicot. Notre campagne est ravie de voir cette jolie fleur s'envelir dans les prés, dans les jardins. Leur sublime robe pendant les saisons estivales. Le coquelicot appartient à la famille des Papaveraceae. C'est-à-dire le pavot rouge ou sauvage. Lorsqu'on offre un bouquet de coquelicots, il réconforte la personne qui est en souffrance, en chagrin d'amour ou en chagrin d'avoir perdu un être cher. Elle symbolise la consolation et le repos de la tranquillité, le coquelicot. Les petits rendez-vous pour vos festivités, ici ou ailleurs. Profondeville, la course cycliste de province de Namur passera dans l'entité de Profondeville dès samedi 9 août, prévu bien sûr rue Saint-Léger à Lustin le dimanche. Attention à la circulation, elle sera fermée. À prendre vos renseignements au plus vite pour le week-end prochain. Vous avez envie de marché artisanal, de voir des chevaux de trait? Eh bien, on vous propose le 16 et le 17 août, c'est à Bois de Villers, rue Lucien Fossé-Pré, de 9h à 18h, l'entrée gratuite. Vous voulez savoir plus d'informations? Rendez-vous mardi matin dans l'émission de Jean-François qui accueillera les responsables de cette activité. Envie de voir le folklore de jambes, c'est le week-end du 15 août. Voici la publicité. C'est reparti pour le prestigieux Festival mondial du folklore de Jambes du vendredi 15 au lundi 18 août prochain avec un plateau de rêve. Des artistes du Mexique, d'Inde, de Slovaquie, de Turquie, de Belgique et pour la première fois à Jambes du Honduras et de l'île de Guam dans l'océan Pacifique. Venez faire la fête à la culture et au folklore avec la jeunesse du monde à Jambes au Hall Omnisport de l'Athénée Royal, 150 rue de Géronsard. Spectacle chaque soir à 19h30, sauf le dimanche à 15h du 15 au 18 août prochain. Plus d'infos sur www.festifolkjambes.be et qu'on se le dise. Radio Chevaucheur vous propose ce week-end un jeu bingo à partir de 15h à sa guinguette. Dimanche prochain, vous avez envie de danser avec Manu de Fleur, ce sera à 14h. Vous avez envie de voyager, n'oubliez pas que nous attendons toujours vos inscriptions pour aller à la mer le 9 août. Et bien sûr, pour aller aux Eaux d'Amnéville le 24 août. Vous aurez l'occasion également, si vous aimez voyager, faire les marchés de Maastricht et la Galerie. C'est le 5 septembre. Et puis après, on vous propose le musée Grévin à Paris. Pour les personnes qui n'aiment pas trop de marcher et qui ont envie de voyager, eh bien pourquoi pas rendez-vous avec ce chanteur. J'ai trop d'amour fond de moi. Alors j'ai peur. Eh oui, c'est Baldo que vous pourrez rencontrer le 19 octobre en France. Un spectacle rien que de lui. Mais vous aurez l'occasion de déguster un bon repas à partir de l'apéro jusqu'au dessert, les boissons comprises toute la journée au prix de 80 euros par personne, le voyage compris. Plus de 100 ans. Et le 2 octobre, ce sera cette presta. Réarrêter l'horloge du temps. Et puis on arrivera dans le courant du mois de novembre pour Christian Delagrange. Les bienfaits de la vie, les bienfaits des légumes à ne pas congeler, bien sûr, ce sont les pommes de terre, les concombres, les tomates, les œufs, le pastèque, le melon, les yaourts perdent leurs vitamines. Toujours bon à savoir, faire l'amour 30 minutes est l'équivalent de courir 3 km à vitesse de 10 km/h. Si vous préférez la musculation, eh bien, ça prévient les maladies cardiaques, renforce le système nerveux, donne la confiance en soi et augmente la masse musculaire. La pensée positive, tout ce qui peut être fait un autre jour le peut être aujourd'hui. Arc-en-ciel en août avant 10h, sur l'humidité la sécheresse l'emporte. Ah, je vois que vous me comprenez. Les brouillards doux emportent les châtaignes. Je me disais toujours, ça peut pas durer. Quand il pleut le 1er août, les noisettes sont piquées de vert. Moralité. Vous la voyez ce coup-là, l'embrouille ? Se réveille avec les croissants et les petits pains au chocolat, tout ce que vous avez envie, c'est dimanche, et voici votre apéritif musette jusqu'à midi. Le soleil nous accompagne en ce dimanche, à la Sainte Lydie. Un contact téléphonique, voici le numéro. 081 13 86 81. Téléphonez-nous. Parrainé par Mimi Cruppel, Luzometem, Monique et François de Dorine, Loulou d'Ivoire, Marie-Jean du Gournois, Viviane de Givet, Didier et Françoise de Noville, Josette et Émile, Alain, Denis de Malone, Nicole d'Andois, Papy Georges de Thon, Nicole de Salzine, Karine et David de Courrière, Gisèle de Gé, Filiane de Profondeville, Josette Francine, Chantal de Brumagne, Robert et Yves et Monique de Buzet. Bonne écoute et bon petit déjeuner.